Astro Lion! Comment ça va? Ça va, va, va, va, va, va. Wakati, good morning. Va. Mbaja mungerie wo. Va, va. Comment tu vas? Comment ça va? Ça va, va, va, va, va, va. Kumer kalamel yalla. Kumer kalamel yalla. La fa bini mashallah. La fa bini mashallah. Boku manyum. Aïe. Miro manyum. Aïe. Aïe dafal nank bin bin. Man le bis bidara du khew. Eh, li problème bi? Problème bi fumu nek. Johomuna, hey doko, khana giso, hey va, man kuma fale ma fale la, kuma talu talu mala, johoma malek, johoma manando, ma tere gundo, na kunek tal bopom nek si jamu, somere ki tal bopom do am jamu, koma ki va, koma sa va, sa va va va va va va, wakati good morning. Mbaja mungerie wo. Va, va. Comment tu vas? Comment ça va? Ça va, va, va, va, va, va. Ben net li kertu to fi may tok. Hey, yak der bakul bun matakal way. Va, va. Jamu si yow ak say mbok do bay golo bi ngay bok. Ñom lañ bëgg ma lañ sopp fess na bay tour mi ngi tok. Ku indi li kan lañi topanda. Ku dak señ ci fi. Ku mo million de vues. Borom tendance. C'est référence. Wa cool in bëgg pass. Kon kan ñu dox. Eh, li problème bi? Check check check check check. Johomalek, johomunan. Eh, doko. Khana giso. Eh, va. Atu sama atla. Mahew. Khana ni. Yengel. Ay, tergu bane. Demo ko yengel. Warfos. Demo ko yengel. Yine, vejiko vejiko boy. Ay. Melni man taxul nga melni man e ma sha Allah bul ma ca tu stop wa toy non non c'est pas fini yeugal atu sama at la ma xew xana ni yeugal ay heure bu ba ne demo ko yeugal